préfère mille fois mourir pour mes idées que vivre éternellement à l'état d'esclave. Il m'en sera fait selon ta volonté. Un parfum de fin du monde remplit mes narines. N'essaie pas de feinter l'ombre, de toutes parts elle arrive. Affamée et froide comme la banquise, je t'avise. Face à elle, même les pères les plus bas, se balisent. Pendant qu'on mate ailleurs, elle s'immisce dans nos foyers. La cantine des mômes, les plus crédules loup, le démon chante ses cantiques. Ça va se finir au mitrailleur, je t'explique. Triple 6 au fond du cœur, nos dirigeants s'appliquent à nous éradiquer. Lentement, mais sûrement nous écraser. Quand on fait pas nous-mêmes, tragique analyse de la race humaine, fataliste comme le trou noir aspirant. Toute lumière en panique, les survivalistes s'enterrent. Le capitalisme nous la mise. Sans entraider, on sait pas faire. Mais toujours au paix pour dévaler tout sous la pente qui nous mène vers l'enfer. Ce qui reste du mental est par terre. Pas étonnant que pas mal de frères soient pressés de partir. L'univers ne tourne pas autour de toi. On sait depuis Copernic. Lève les yeux, on vit et meurt sous le même toit. Genoux à terre comme Capernic. L'univers ne tourne pas autour de toi. On sait depuis Copernic. Lève les yeux, on vit et meurt sous le même toit. Genoux à terre comme Capernic. De la guerre du feu à la bataille d'Austerlitz, qu'est-ce que tu veux? Pour un bout de territoire on se termine. Ça brandit l'arme pour des sapes ou des grosses berlines. Ça fait longtemps que la paix s'est fait soulever. Va le dire aux autres, on va tous crever, rassure-les. Avec les loups on apprend à hurler. À vivre parmi les fous, on finira par se dévorer. De l'île de Gorée aux deux Corées, l'homme vaut moins qu'une portée de Gorée. Des vieux décorés veulent nous faire danser, mais j'en veux pas de la Corée. J'en ai assez de voir les miens se chicorer. Un peu de solidarité, ça n'a jamais tué personne. Du Yémen à la pluie de bombes à Kherson. Ils sont centièpes et toi tu crois que j'en fais des tonnes. Sur un tapis de cadavres, ils dansent le reggaeton. L'univers ne tourne pas autour de toi. On le sait depuis Copernic. Lève les yeux, on vit et meurt sous le même toit. Genoux à terre comme Capernic. L'univers ne tourne pas autour de toi. On le sait depuis Copernic. Lève les yeux, on vit et meurt sous le même toit. Genoux à terre comme Capernic. L'univers ne tourne pas autour de toi. On le sait depuis Copernic. Lève les yeux, on vit et meurt sous le même toit. Genoux à terre comme Capernic. L'univers ne tourne pas autour de toi. On le sait depuis...